place, mais j'ai pas le choix, c'est l'heure. Répertoire si large, le transfert c'est un effort. À deux dans la galère ou à deux dans le confort. À cause du cash, on n'arrête pas de s'engueuler. Moi le million c'est pas mon rêve, simple, on va partir et puis tout va s'envoler. J'y pense tous les jours quand je me lève. L'affaire nous a eu en cavale un peu pour toi. Tu me disais te mélange pas mais bon je t'ai pas écouté. Laissez-nous négliger, on a le bras long comme Courtois. Et c'est grave, ça marche pas, j'ai des trucs à faire goûter. On va tous les faire douter. J'étais jamais, je suis branché tout le temps. Et je me demande combien ça va me coûter. Heureux quand je vois ta côté. Pas de semaines ils sont jamais contents. On a perdu le plaisir de compter. Je suis au quartier, rien à faire. Je suis défoncé, je regarde en l'air. J'ai grandi, je veux faire des affaires. Je voulais juste quitter la galère. Je suis dans deux sales bails de l'aile. Je suis dans deux sales bails de l'aile. Je suis dans deux sales bails de l'aile. Je suis dans deux sales bails de l'aile. Et moi tu sais, je suis dans le sale bail. Font les chocs et photos, c'est normal. Arba c'est le cas, y'a les condés. Pour nous pécho, il faut du travail. Des fois le soir, je me demande ce qui va pas. Je lui dis Henri, elle dit qu'elle aime ça. Un jour ou l'autre, il faut que je m'en aille. Sous le matelas, le gilet pare-balles. Son cœur, c'est tout ce qui me fallait. Sans ça, je me sens fou allié. Je me remets toujours pas d'hier, j'ai ce qu'il te fallait. T'as perdu dans l'escalier. Sa mère, j'en suis pas fier. Je suis soupçonné, malgré moi, je suis soupçonné. C'est pas mon dernier coup de tonnerre. Arrête de nous faire le gros bonnet. On t'a jamais vu sur le corner. NS, je suis au quartier, rien à faire. Je suis défoncé, je regarde en l'air. J'ai grandi, je veux faire des affaires. Je voulais juste quitter la galère. Je suis dans deux sales bails de l'aile. Je suis dans deux sales bails de l'aile. Je suis dans deux sales bails de l'aile. Je suis dans deux sales.